Instinct de voyage, certains pour éviter le naufrage ont besoin de prendre le large, besoin de tourner la page. Un esprit qui s'évade, un avenir se construit. Flux migratoire pour un quotidien embelli. Nomades dans les gènes depuis des générations. Le mélange se sème au travers de multiples unions. Brassage ethnique, la rencontre des continents. Un fruit unique, le fruit de tous leurs enfants. Enfants du monde, enfants du voyage. Un instant de rencontre, un mystérieux présage. Tous différents de par nos origines. Mais d'où on vient, nous donne tous cette même estime. Prendre le large devient une évidence. Se sentir en cage dans sa propre ignorance. Besoin de partir, de découvrir le monde. S'enrichir, se nourrir de diverses rencontres. Contre ces chaînes, le voyage comme solution. Plus rien ne freine l'afflux de toutes nos questions. De ces voyages, je suis le fruit, je l'atteste. En témoignage, vois ici toute une jeunesse. Comme nos parents prêts à partir, prendre le large. Laisser la rage et l'espoir comme seul bagage. Émerveiller tout un monde à découvrir. Depuis la nuit des temps et c'est pas près de finir. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage, mec. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage. Instinct de voyage. Ma putain de porte, je l'ai creusée. Le temps, la vie m'écrasait. Je voulais voir l'horizon, pas la vie que j'ai pas choisi. Des couloirs de râteaux bordés de conseils avisés. J'étais plus que ma caricature, mais au mac un sosie. Des gosiers qui s'usaient à me conseiller de sucer. Parce qu'on te mesure en fonction du fric et de la position. Diversion pour survivre, survol mes nuits d'hiver seul. Tu sais la part des ténèbres, j'en ai connu diversion. Des rides sur mon visage, si j'ai bouffé trop de cendres. Des vers et des visages, citoyens des villes sombres. J'ai deux trois rêves qui me ressemblent. À chaque réveil, on me fauche, mais dès que mes nerfs ce temps, je les attends pas, je m'arrache. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage, mec. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage. Instinct de voyage. C'est l'heure de partir, moi je m'évade par la plume. Pour qu'enfin un souffle de mots balaye ma brume. De l'évasion je m'abreuve et les tourments s'abrègent. Crache de l'encre et tout d'un coup mes angoisses s'apaisent. Je cultive mes rêves, ils vivent dans mon écriture. C'est plus efficace pour moi que de pousser des cris durs. Quand tout me saoule, que je veux tout envoyer chier. J'ai besoin de partir loin, je m'enfuis sur du papier. Ce n'est pas une recette miracle, mais ça me calme. J'ai besoin de clamer mes kilos de mots, c'est ma cam. Je suis souvent ivre en bribes de texte. J'évacue ces tristes sentiments que je déteste. Un instant bien sage, mon instinct de voyage. Quitte à prendre de large en rédigeant mes naufrages. Un instant sauvage, mon instinct de voyage. Quitte à prendre de large en rédigeant mes orages. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage, mec. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. La vie on la dévisage, on la prend même en otage, mec. Instinct de voyage, escalade de rage. Pour éviter le naufrage, mon entourage dégage une force qui écarte les cages. L'avion la dévisage, on la prend même en otage. Instinct de voyage.